I'm a monkey pon the mic, MC you know. Rock I'm off in DJ R de studio. L'homme rime à la pro. Ricky, c'est Punky doit d'amir, punky doit d'amir, punky doit d'amir, c'est faux qu'un mal faux qu'un monde. Punky doit d'amir, punky doit d'amir, punky doit d'angin, hagin, hagin. Punky doit d'amir, punky doit d'amir, punky doit d'amir, c'est faux qu'un mal faux qu'un monde. Punky doit d'amir, punky doit d'amir. Et ça là, j'avance, sans brûler les étapes, respectant le travail des aînés. Dis-moi, y'en a combien qui dérapent, la monnaie leur fait du pied. Ma rage, ma colère attaque la musique pour décompresser. Leur filer deux, trois coups de latte à ceux qui voudraient me rabaisser. Le sage ne donne pas la patte, juste un troisième doit bien dresser. Tu peux enfermer mon corps, mon esprit continue de penser. Tu peux m'affamer, ma soif et m'appauvrir, me dénigrer. Moi, tu ne peux pas contrôler, sans la main avec le MC déchaîné. Non, Punky doit d'amir, Punky doit d'amir, Punky doit d'amir, c'est faux qu'un mal faux de monde. Punky doit d'amir, Punky doit d'amir, Punky doit d'angin, hagin, hagin. Punky doit d'amir, Punky doit d'amir, Punky doit d'amir, c'est faux qu'un mal faux de monde. Punky doit d'amir, Punky doit d'amir. Hey, je ne panique pas, je ne fatigue pas, mille plis, mes neurones pas de pouvoir, toujours présent sans la version. Je viens cracher sur ton système des gros glaires parfumés à l'herbe. C'est toujours mieux que l'odeur du pastis que ta police laisse dans l'air. Attends, ce n'est pas fini, sans le point, non, je suis pas prêt de me taire. Tu voudrais, je crève la gueule ouverte et en plus, tu veux que je la ferme, yo. Tu voudrais, je crève la gueule ouverte et en plus, tu veux que je la ferme, mambogla. Punky doit d'amir, Punky doit d'amir, Punky doit d'amir, c'est faux qu'un mal faux qu'un monde. Punky doit d'amir, Punky doit d'amir, Punky doit d'angin, hagin, hagin. Punky doit d'amir, Punky doit d'amir, Punky doit d'amir, c'est faux qu'un mal faux qu'un monde. Punky doit d'amir, Punky doit d'amir, malamon qui c'est sous. Hey, un coup de blues, pas de coup de boule, que des coups de pique sur des feuilles blanches. Pas de coup de pouce, pas besoin de goût, pas besoin de fric, pas de pâte blanche. Un coup de un coup de trop dans la main qui jamais ne flanche. Tu peux les prévenir tous, y'a danger quand la bête balance. Lâché dans les sons, j'amène le son de l'underground. Jamais ne fléchis sur la proche, j'amène mon esprit loin du monde. Je mène ragab et prends des pompes, jamais entendu sur les ondes. J'emmerde tous les DVD boys, qu'ils visent, qu'ils joyaux de la couronne. Pas de caïra, pas rasta, ragamophile n'est pas star. T'aimes pas pour pas tes coups de bois, j'veux pas de fan, pas besoin de ça. Je ne dois rien à personne et personne ne me doit rien. Je ne rentre pas dans vos codes, c'est écrit dans le refrain, yo. Punky doit d'amir, Punky doit d'amir, Punky doit d'amir, c'est faux qu'un mal faux qu'un monde. Punky doit d'amir, Punky doit d'amir, Punky doit d'angin, hagin, hagin. Punky doit d'amir, Punky doit d'amir, Punky doit d'amir, c'est faux qu'un mal faux qu'un monde. Punky doit d'amir, Punky doit d'amir. Le micro ma seule pensée, mon flow insensé à toutes vos mauvaises pensées. Je te donne des lyrics sensées, censé te faire penser. Tout c'était pour ne rien dire, non je n'ai jamais pensé.